Dans la Critique de la raison pure, publiée en 1781, le philosophe allemand Emmanuel Kant, entre deux considérations sur le canon de la raison pure, écrit ceci. S'il était possible de décider la chose par quelque expérience, je parierais bien toute ma fortune que quelqu'une au moins de ces planètes que nous voyons est habitée. Aussi n'est-ce pas simplement une opinion, mais une ferme foi qui me fait dire qu'il y a aussi des habitants dans d'autres mondes. Alors comment le philosophe qui a passé sa vie à assurer le bon fonctionnement de la raison, en délimitant les limites de son action, peut-il en même temps postuler l'existence d'une vie extraterrestre? Eh bien, n'en déplaise aux plus rationalistes d'entre vous, il n'y a aucun contresens à tenir ces deux positions simultanément, vous verrez. Et le philosophe Peter Sandy est en studio, ce matin, lui-même, à distance, pour vous le prouver. On commence avec la parole de Morgan Freeman. No one would have believed in the early years of the 21st century that our world was being watched by intelligences greater than our own. Personne n'aurait cru, dans les premières années du 21e siècle, que notre monde était observé par des intelligences supérieures à la nôtre. Que, tandis que les hommes s'occupaient à leurs différentes activités, ils étaient observés et étudiés. D'aussi près qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci, de là, à travers la planète, confiants dans leur empire sur ce monde. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des intellects vastes, froids et hostiles considéraient notre planète avec des yeux envieux. Et lentement, et sûrement, dressaient leurs plans contre nous. Bonjour Peter Sandy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur en littérature comparée en humanité à l'université de Brown aux États-Unis, où vous vous trouvez. Hein. Vous êtes à Providence aux États-Unis, où il doit être 4h du matin, c'est ça? Exactement. Bon, l'équipe vous remettra une médaille à la fin de l'émission pour vous être levé si tôt. Est-ce que vous pensez, comme la voix off qu'on entend dans le film de Spielberg, La guerre des mondes, qui vient d'ouvrir cette émission, que notre monde est observé par des intelligences supérieures à la nôtre? Mais notre monde, il est plutôt observé, disons, par des satellites, si je pense à ce qui nous observe. Il y en a de plus en plus autour de l'espace terrien, dans ce qu'on appelle l'espace extra-atmosphérique. Et au fond, c'est nous-mêmes qui nous observons. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu un signe des temps. Au fond, l'espace extra-atmosphérique, l'espace extraterrien, il s'est un petit peu dépeuplé. Sauf dans la science-fiction. Je veux dire par là que la science-fiction ne cesse d'imaginer des scénarios comme celui qui était évoqué par la voix off de Morgan Freeman. Mais si on regarde dans l'histoire de la philosophie, au fond, les philosophes qui aujourd'hui au sens large, disons au XXe siècle, des philosophes qui soutiendraient sérieusement l'idée qu'il y a une vie extraterrestre et qu'il y a des êtres rationnels, des êtres parlants, des êtres doués de raison qui nous observent depuis l'espace extra-atmosphérique. Des philosophes comme ça, on n'en trouverait probablement pas. En tout cas, on a choisi de commencer l'émission avec cet extrait de film pour l'importance accordée au point de vue. Partir du principe que notre Terre serait observée par une intelligence différente et donc sans doute supérieure à la nôtre, c'est réfléchir à notre propre vie d'un point de vue extérieur. Et c'est ça qui vous intéresse dans l'ouvrage que vous avez fait paraître en 2011 aux éditions de Minuit, Kant chez les extraterrestres, avec le sous-titre « Philosophie-fiction cosmopolitique ». C'est justement de montrer que postuler l'existence d'une vie extraterrestre pour Kant, mais aussi pour d'autres penseurs, est utile en cela qu'elle nous permet d'adopter un autre point de vue sur nous-mêmes, ce qui est absolument indispensable pour définir notre propre humanité. Oui, c'est vrai que ce qui m'intéressait dans ce livre, une fois passée la pure et simple surprise, et je dirais même cette surprise immense qui était pour moi de découvrir que Kant, le grand Immanuel Kant, avait parlé des extraterrestres, tout simplement, et pas juste une fois, c'est-à-dire c'était pas un accident, et c'est pas simplement pour mentionner un de ses textes de jeunesse qui est la théorie du ciel, c'est pas simplement une lubie ou une folie de jeunesse, il en parle tout au long de sa vie, y compris dans le dernier texte qui était publié de son vivant, c'est-à-dire l'anthropologie du point de vue pragmatique. Donc une fois passée cette surprise, je me suis dit, mais au fond, pourquoi ça m'intéresse? Et la raison principale, enfin il y en a plusieurs, mais ce qui m'intéressait d'un point de vue vraiment philosophique, c'est que il y a deux concepts qui sont vraiment liés à une idée cruciale chez Kant, qui est l'idée du cosmopolitisme. Et ces deux concepts, ce sont l'humanité d'une part et la paix perpétuelle d'autre part. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est que ces deux concepts, et l'humanité et l'idée de paix perpétuelle, sont impensables, semblent être impensables, sans avoir précisément recours à ce point de vue extérieur, qui n'est pas n'importe lequel, qui n'est pas un point de vue divin, par exemple, mais ce point de vue extérieur, qui serait celui d'une intelligence ou d'une rationalité extraterrienne, disons, qui permet à la fois par retour, par ricochet en quelque sorte, de penser et pouvoir définir qu'est-ce que c'est l'humanité en tant que telle, et de penser que cette humanité, eh bien, elle pourrait ne pas avoir d'ennemis ou enfin être en paix avec elle-même. Voilà, c'est deux idées cruciales dans le projet cosmopolitique. Donc Kant a été l'un des grands porteur au cours de l'histoire de la philosophie, projet qu'on peut considérer comme utopique, comme dépassé, enfin ça je ne le crois pas. Oui, mais, j'espère pas non plus. Voilà, mais bon, projet qui a été beaucoup critiqué et à juste titre. En tout cas, c'est très frappant que l'hypothèse extraterrestre s'impose en quelque sorte. Moi, c'était ça qui m'intéressait, au-delà de l'anecdote de ce que Kant croyait ou croyait pas. Mais qui est quand même déjà très surprenante, on peut quand même insister là-dessus. Kant est le philosophe qui est resté dans la postérité de l'histoire de la philosophie comme étant celui qui a assigné des limites à l'exercice de la raison pour mieux valider son action. C'est le philosophe dit rationaliste par excellence. Et à la fin de la critique de la raison pure, justement dans un chapitre où il aborde la question de l'opinion, de la foi qui ne relève pas du domaine proprement logique rationnel, eh bien il affirme qu'il croit fermement, c'est même une foi, dit-il dans la citation que j'ai donnée en début d'émission, dans le fait qu'il y a des habitants dans d'autres mondes. C'est quand même quelque chose d'extrêmement surprenant. Oui, ah oui, c'est très très surprenant. Alors, il y a des affirmations comme effectivement celles que vous avez citées dans la critique de la raison pure qui ont l'air très très décidées chez Kant. Oui. Il y en a d'autres qui sont un peu plus dubitatives, on va dire, par exemple dans la critique de la faculté de juger, bon, il est pas trop sûr, mais enfin, il dit c'est probable. Mais en tout cas, ce qui est très très frappant, c'est que constamment, depuis l'un de ses premiers textes, la théorie du ciel, qu'il a écrite en 1755, donc quand il avait 21 ans. Il est tout jeune, oui. Ouais, et puis l'un de ses derniers textes, qui est l'anthropologie du point de vue pragmatique, c'est-à-dire 6 ans avant sa mort en 1798, cette référence aux extraterrestres, elle est assez constante. Et même si la modalité varie, dubitatif, affirmatif. Et puis, ce qui est frappant aussi, c'est la place de Kant dans ce qu'on pourrait appeler une aliénologie philosophique, ou enfin le discours philosophique sur les extraterrestres. Parce que Kant arrive après des moments où ce discours était finalement assez courant. Je veux dire, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, si on pense à des gens comme Fontenelle, Entretien sur la pluralité des mondes, c'est 1686, ou même un peu avant, Cyrano de Bergerac, l'histoire comique des États et empires de la Lune, 1655. Donc Kant arrive après, c'est un peu le dernier qui parle des extraterrestres, je dirais de manière aussi tranquille, comme si vraiment c'était une hypothèse sérieuse. Et après lui, finalement, parmi les philosophes majeurs, on va dire, Hegel disait par exemple que la Terre est la seule patrie de l'esprit. Enfin, pour Hegel, il n'y a absolument pas de, de possibilité de penser une rationalité en dehors de la Terre. Donc Kant occupe un peu une place charnière dans cette histoire des extraterrestres en philosophie. En tout cas, l'idée principale de votre livre, et celle qu'on va essayer de comprendre ce matin, c'est la suivante, c'est de savoir que dès qu'on essaie de penser l'humanité, eh bien, on essaie de la penser par rapport aux autres. Alors, d'habitude, dans l'histoire de la philosophie, les autres, enfin, ce qui n'est pas humain, c'est soit Dieu, qui serait au-dessus de nous, soit, disons, les animaux, qui seraient, j'emploie bien le conditionnel, en dessous de nous, et on essaie de définir l'humanité entre ces deux pôles. Eh bien, la figure des extraterrestres aurait une autre fonction. C'est l'altérité radicale qui nous permet de mieux nous ressaisir en tant que tel, et peut-être, dans la lignée kantienne et de son cosmopolitisme, dans une sorte de perspective de paix. Eh bien, c'est une idée que l'on retrouve en dehors de la philosophie, notamment en politique et dans des actions politiques qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Écoutez cette archive du 21 septembre 1987. C'est le discours du président Ronald Reagan à l'ONU. Ne pouvons-nous pas, ainsi que les autres nations, vivre en paix ? Obsédés par les antagonismes du moment, nous oublions souvent tout ce qui unit les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin de quelques menaces extérieures, universelles, pour nous amener à reconnaître ce lien commun. Je pense parfois à la vitesse avec laquelle nos différences de par le monde s'évanouiraient si nous étions face à une menace extraterrestre extérieure à ce monde. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, la voix de Ronald Reagan qui fait donc référence à une invasion extraterrestre comme étant une des raisons qui nous conduirait peut-être à nous unir pour faire en sorte que la paix advienne sur cette terre. Et c'est pas absurde, Peter Sandy, en fait, c'est ça. Ce que vous dites, c'est qu'on retrouve le même motif ici du besoin de postuler l'existence d'une altérité radicale à l'humanité pour mieux vivre ensemble. Oui, c'est un geste récurrent. C'est ça qui est frappant. Ronald Reagan est un exemple peut-être insolite, mais pas tant que ça finalement, parce que les successeurs de Reagan, démocrates, je pense à Al Gore par exemple, reprennent au fond le même geste, mais en le transposant, d'ailleurs ça c'est intéressant, en le transposant du côté de l'écologie. Oui, du réchauffement climatique, comme menace voilà. Qui nous ferait nous unir, ouais. Exactement. Mais au fond, bon, ce geste qui consiste à dire que l'humanité ne peut s'unir, c'est-à-dire que l'humanité en tant que telle ne peut devenir une unité politique que face à une menace extérieure, c'est-à-dire face à un ennemi, c'est un geste qu'on retrouve chez différents penseurs, pour en rester à l'histoire de la philosophie, et peut-être le principal et le plus fort, le plus rigoureux qui tient ce discours, c'est Carl Schmitt, mais de manière étrange, en le renversant. Je veux dire par là que pour Schmitt, au fond, l'humanité, si on prend l'humanité en tant que telle, eh bien l'humanité, elle n'aurait pas d'ennemis. Il peut y avoir des ennemis entre nations, entre différents groupes politiques sur Terre, mais si vous prenez l'humanité en tant que telle, au fond, Schmitt dit qu'elle ne peut pas avoir d'ennemis, sauf, et il ajoute cette clause très frappante, il dit sauf peut-être sur une autre planète. Voilà. Et donc Il le dit tel quel, je me permets de le citer, c'est dans la notion de politique. L'humanité en tant que telle ne peut pas faire la guerre, car elle n'a pas d'ennemis, du moins sur cette planète. Exactement. Et c'est très frappant, si vous voulez, que là, il y a un double geste dont Schmitt, contrairement à Kant, il faudrait rappeler toute l'histoire terrible, du lien très très étroit de collaboration de Carl Schmitt, qui a été décrit parfois comme le juriste du Troisième Reich. Enfin, Carl Schmitt était très très proche du régime nazi, et donc en tant que tel, il était extrêmement critique de ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Pour lui, au fond, le cosmopolitisme, et il n'était pas le seul, Marx aussi d'ailleurs, je dirais à l'autre bout du spectre politique, enfin Marx aussi a souvent associé le cosmopolitisme aux juifs, au capital, il y a toute une histoire comme ça du cosmopolitisme qui s'entrelace avec l'antisémitisme. Mais pour en rester à l'argument, sur l'ennemi de l'humanité, Au fond, Carl Schmitt, qui était si critique du cosmopolitisme, énonce quand même ce qui est le geste même du cosmopolitisme, à savoir prendre l'humanité comme unité politique possible, nous les hommes, et il dit cette humanité, elle ne peut être considérée comme telle, comme unité politique, que si on lui suppose un ennemi, c'est-à-dire si on lui suppose un autre, d'une certaine manière, un autre ou une altérité politique. Et cette altérité politique, dit de l'humanité, dit Schmitt, elle ne peut être trouvée que hors de cette Terre, hors de cette planète. Il faut préciser que pour Carl Schmitt, dans son ouvrage La notion de politique, il développe une thèse de philosophie politique très forte, à savoir qu'on ne peut parler de politique que dès lors qu'il y a une polarité ami-ennemi. Il faut désigner un ennemi pour pouvoir exister en tant qu'État, que cet ennemi soit un autre État ou à l'échelle de l'humanité, justement, un autre type de population que l'humanité. Oui, non seulement il y a cette polarité ami-ennemi qui détermine complètement la pensée politique de Schmitt, mais il y a aussi, je dirais, la pensée politique de Schmitt est fondamentalement impérialiste, elle est même hyper-impérialiste, où elle énonce ce qui est en quelque sorte le principe archi-impérialiste, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des espaces libres et ouverts à la prise, ce qu'il appelait dans son lexique emprunté au grec, le nomos. Oui. Donc des espaces qui sont ouverts à l'appropriation et qui sont l'essence même du colonialisme. Au fond, chez Schmitt, l'espace extraterrestre ou extraterrien, c'est une espèce de résidu de cet espace libre, de cet espace qui se propose à la prise et à la libre concurrence, disons, politique entre les nations. C'est cet espace dont on peut encore se saisir. Ce qui est d'ailleurs une erreur totale, parce que à partir de la fin des années 50, les traités politiques qui ont été signés sous l'égide de l'ONU, les traités qui régissent justement l'appropriation possible de l'espace qu'on appelle extra-atmosphérique, ces traités stipulent tous que cet espace extra-atmosphérique appartient à l'humanité en tant que telle. Ce qui est au fond, ce qui en fait des espaces cosmopolitiques par excellence, si on veut. Après, c'est compliqué parce que, comme on le sait, il y a des nations qui, plus que d'autres, s'approprient le minerai lunaire, probablement dans le futur les minerais sur Mars. Voilà. Donc c'est toute l'ambiguïté du terme de cosmopolitique. On y entend cosmos, qui est l'univers, mais au fond, sur la planète Terre, quand on parle de l'universel, en fait, on parle de la Terre. On ne parle pas de l'univers dans son ensemble. Exactement. Et puis l'ambiguïté majeure aussi, c'est que à chaque fois qu'on parle de ces espaces extra-atmosphériques, qui seraient donc des espaces cosmopolitiques au sens où ils appartiendraient à l'humanité en tant que telle, ce qui est d'ailleurs aussi, j'ouvre une brève parenthèse, c'est d'ailleurs aussi ce qui se passe pour les fonds marins, par exemple. C'est assez frappant qu'on a le même type de jurisprudence pour les fonds marins et l'espace lunaire, ou enfin les espaces, les planètes extraterriennes. Mais en fait, ce qui se passe dans l'espace, dans le cosmos, c'est qu'on y projette généralement une géopolitique qui est bel et bien terrienne. On pourrait dire, en paraphrasant la fameuse formule de Nietzsche, qui est terrestre, trop terrestre. Ça veut dire qu'il y a toujours un anthropomorphisme quand on essaye de penser l'altérité radicale, justement, que nous n'avons peut-être pas les moyens, mais même en termes d'imagination et d'intelligence, pour se figurer à quoi ressemblerait une existence tellement différente que la nôtre qui serait sur une autre planète. Oui, mais ça, d'ailleurs, ça nous, ce que vous dites là me ramène à Kant, et non plus au premier texte où Kant mentionne, à ma connaissance, les extraterrestres, qui est dans ce texte de jeunesse, la théorie du ciel, écrit à l'âge de 21 ans, et où il projette vraiment dans l'espace, c'est-à-dire dans la galaxie, dans le système solaire plus exactement, il projette une géographie terrienne, et plus qu'une géographie d'ailleurs, il faut bien le dire, il projette une vision raciale, enfin racisée, raciste au fond, de ce que seraient les habitants de ces différentes planètes, puisqu'il dit que plus ces habitants seraient proches du Soleil, plus ils seraient sur des planètes proches du Soleil, plus ils seraient rudes, en quelque sorte, d'une constitution physique, physiologique rude, pour pouvoir résister à la chaleur, et plus ils seraient loin du Soleil, plus leur constitution, physico-psychique serait raffinée, presque éthérée. Et là, il pense bien sûr à lui-même, en quelque sorte. C'est-à-dire ceux qui habitent... Au sommet de l'humanité lui-même, c'est ça? Voilà, Königsberg, dans le nord, l'Allemagne, donc c'est climat plutôt frais, froid, avec des penseurs très raffinés, alors que si on descend vers le sud, eh bien... ce sont des êtres bruts, dit-il. Donc c'est très frappant de voir que Kant, moi c'est ça qui m'intéressait dans le livre. Bon, on sait qu'il y a une théorie des races chez Kant, c'est extrêmement problématique. Il y a eu des très beaux livres, des très forts écrits là-dessus. Mais moi ce qui m'intéressait, c'est que Kant, c'est à la fois, de manière contradictoire, donc c'est à la fois celui qui ouvre la perspective d'une pensée cosmopolitique dans laquelle la vie extraterrestre, la vie rationnelle extraterrienne joue un rôle important, et puis il referme aussitôt cette possibilité, cette perspective, parce qu'au fond, cette vie extraterrestre ou extraterrienne, eh bien, c'est tout simplement la banale, trop banale, terriblement banale projection d'une géographie raciale, racialisée sur le cosmos qui nous entoure. Donc il l'ouvre et il la ferme, en quelque sorte, cette perspective. Et c'est ça qui rend son geste à la fois passionnant, parce qu'on a envie de garder cette ouverture et de la creuser, en quelque sorte, de voir ce qui s'y cache philosophiquement, et puis son geste décevant aussi, dans la mesure où il est... Voilà. Si bien qu'on se demande, et Thibaut Gresse, mon invité hier, l'évoquait explicitement aussi, si finalement ceux qui réfléchissent de cette manière-là sur la possibilité d'une vie extraterrestre ne sont pas aussi ceux qui sont le plus durs envers l'humanité elle-même. C'est sans doute le cas de Kant, c'est le cas de Carl Schmitt aussi, dont on parlait à l'instant. Je vous propose qu'on écoute un texte de Kant, mais cette fois-ci un extrait de l'Anthropologie du point de vue pragmatique, donc son ultime texte, 1798, dans lequel il parle du caractère de l'espèce humaine, qu'il juge vraiment pas très bon, mauvais caractère, et qu'il en tire des conclusions assez radicales, si bien qu'on se demande voilà si finalement son envie, sa foi ferme dans l'existence d'autres vies que la nôtre ne serait pas commandée par une espèce de désagrément que lui procure l'existence même de l'humanité. Écoutez. Voici le caractère de l'espèce humaine tel qu'il ressort de l'expérience de tous les temps et parmi tous les peuples. Prise collectivement, sous la forme d'une totalité du genre humain, c'est une multitude de personnes qui, incapables de se passer de vivre paisiblement côte à côte, ne peuvent cependant éviter de se causer du désagrément, et qui par conséquent se sentent appelées par la nature à se coaliser, parmi les constantes menaces de désunion, mais dans un mouvement général de progrès, en une société cosmopolitique. Demande-t-on maintenant si l'espèce humaine, que l'on peut aussi qualifier de race, dans la représentation d'une espèce d'être terrestre raisonnable, par référence à ceux d'autres planètes, si, dis-je, elle doit être tenue pour race bonne ou mauvaise? Je dois avouer qu'il n'y a guère lieu de se vanter. La seule dissimulation partielle que tout homme prudent juge nécessaire pour ses propres pensées suffit à faire clairement ressortir que chacun trouve à propos d'être sur ses gardes et de ne pas se laisser voir tout entier tel qu'il est. Attitude qui trahit déjà le penchant de notre espèce à une malveillance mutuelle. Il se pourrait qu'il y eût sur quelque autre planète des êtres raisonnables incapables de penser autrement que tout haut, c'est-à-dire d'avoir dans la veille ou dans le rêve, qu'ils fussent en compagnie ou seuls, des pensées qu'ils n'exprimeraient pas au même instant. Quel comportement réciproque différent de celui de notre espèce humaine? Quelles conséquences n'en résulteraient-ils pas? Gentlemen, congratulations. You're everything we've come to expect from years of government training. And now, if you'll just follow me, we have one more test to administer. An eye exam. Where are you going? Salut. Ça veut dire quoi, ces conneries? Un peu avant la guerre froide, le gouvernement a créé un petit bureau sans crédit dans le but officiel, mais farfelu, d'établir le contact avec les peuples des autres planètes. Tout le monde pensait que c'était un canular, sauf les aliens qui prirent contact en mars 1961 dans la banlieue de New York. Nous étions 9 le premier soir. 7 agents, un astronome et un jeune type qui cherchait une route que jamais il ne trouva. C'était un groupe de réfugiés intergalactiques. Ils voulaient faire de la Terre une zone apolitique pour des aliens privés de planète. Mm-hmm. De nouveaux non-humains arrivent chaque année et viennent parmi nous en secret. Écoute, m'en veux pas, c'est pas pour changer de sujet. Je me permettrai pas, mais quand est-ce que tu as passé ton dernier scanner? 26 mois, ici c'est obligatoire. Bien, tu devrais reprendre rendez-vous vite. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, t'étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr demain. Et en échange? En échange, tout contact avec les humains sera interdit. Personne ne devra savoir que tu existes. Tu disparais. À jamais. Et oui, faut-il perdre toute attache avec la Terre pour adopter un point de vue cosmopolitique? Dans le texte de Kant, la référence au caractère de l'espèce humaine, qui est qualifiée de, disons, de désagrément par Kant, laisse entendre qu'effectivement il y a des races différentes et que peut-être l'espèce humaine n'est pas, enfin, c'est pas peut-être d'ailleurs, ce n'est pas celle qu'il faudrait privilégier selon Kant. Dans Men in Black, dont vous venez d'entendre un extrait, hein, de 1997, on a aussi l'idée de, quand cet agent Cade et Tommy Lee Jones essayent de recruter Will Smith, Jay, bah, il lui dit que pour qu'il puisse travailler pour lui, il faut qu'il renonce à son nom, son identité, tout ce qui fait de lui un homme. Et c'est ça la question finalement que pose le texte et l'extrait Peter Sandy. Est-ce que la condition d'une humanité qui vivrait ensemble en paix, de ce qu'on peut appeler la cosmopolitique, ce serait pas l'indétermination identitaire absolue, le renoncement à ce qui fait que nous sommes des êtres humains? Oui, c'est-à-dire que au fond, ce que cherche Kant, c'est à déterminer ce qu'il appelle l'espèce humaine. C'est vraiment la dernière partie de son anthropologie du point de vue pragmatique. Il se demande quel est le caractère de l'espèce humaine, donc l'humanité prise dans sa plus grande généralité. Et donc effectivement, sans caractéristiques ou caractère d'individus, de nations, etc. Et donc dans cette plus grande généralité, la seule manière de pouvoir déterminer ce qu'est l'espèce humaine, eh bien, c'est effectivement en la comparant avec des êtres raisonnables non terrestres. Ce qui dit Kant n'est pas possible parce que on ne peut pas le faire à l'aide de l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas à l'existence de tels êtres. On en a déjà parlé, mais c'est simplement que notre expérience ne nous donne pas accès. On ne pourra pas le prouver. Donc ça ne peut être qu'une croyance et pas une connaissance. Ça peut être qu'une croyance ou un pari ou enfin. Ouais. Mais ce qui est intéressant en même temps, c'est que il y a ce mouvement, c'est un mouvement très paradoxal philosophiquement que propose Kant ici, enfin qui propose ou qui tente et puis qu'il abandonne aussitôt, parce que on pourrait définir ce mouvement comme une comparaison, mais une comparaison dont le terme comparant serait manquant. Voilà. Donc il faut comparer l'humanité pour pouvoir la définir en tant que telle, mais ce à quoi on pourrait la comparer manque, c'est-à-dire on n'en a pas la connaissance. Et puis, d'autre part, ce qui est aussi, je crois, très important, c'est que ce mouvement de comparaison, comme vous le rappeliez en début d'émission, il est ce que j'appellerais horizontal. Je veux dire par là, Kant ne compare pas l'humanité, comme ça a été fait de tout temps et à travers toute l'histoire de la philosophie, à l'animalité et à la divinité, ce qui est ce qu'on fait toujours quand on dit l'homme c'est l'animal rationnel, l'homme c'est l'animal parlant, l'homme c'est l'animal politique, donc c'est toujours l'animal plus quelque chose, ou bien l'homme c'est le mortel, c'est l'être fini, donc c'est la divinité moins quelque chose. Ça c'est la comparaison verticale qui a scandé toute l'histoire de la philosophie. Mais là, il s'agit d'une comparaison horizontale, en quelque sorte, ou enfin, qui devrait l'être, en tout cas, c'est-à-dire des êtres rationnels, mais non terrestres. Et ça, je dirais que c'est vraiment le geste comparant proprement cosmopolitique. C'est-à-dire ce geste qui tout d'un coup ouvre la définition de l'humanité sur cet espace cosmique. Mais on pourrait interroger ce geste même, Peter Sandy. Il me semble que les extraits que nous entendons ce matin nous invitent à le faire, et même les références, que ce soit à Carl Schmitt ou à Kant. Pourquoi avons-nous besoin de nous référer à ce qui n'est pas nous pour mieux nous définir? Oui, le problème, ça serait probablement le nous. Oui. C'est-à-dire, qui est-ce qui dit nous? Ou qui, suppose-t-on, pourrait dire nous au nom de l'humanité en tant que tel? Et j'ai aussi envie d'insister sur ce en tant que tel. Parce que, au fond, l'humanité en tant que tel, comme vous le disiez précédemment, c'est une humanité qui est dépouillée de toutes ses caractéristiques. Et néanmoins, à chaque fois que quelqu'un ou qu'un nous dit nous au nom de l'humanité, au fond, cette humanité, elle est réinscrite quelque part, c'est-à-dire aussi dans une géopolitique qui est généralement celle d'un colonialisme, post-colonialisme, impérialisme, soit patent, soit à peine larvé. Donc oui, le problème c'est ce nous. Mais ça veut dire qu'il faut renoncer à toute forme de désignation de l'humanité dans son ensemble, c'est ça? Que dès lors qu'on essaye de le faire, on se place en position de surplomb. À moins que on tienne à cette possibilité évidemment extrêmement fragile dans le texte de Kant. C'est comme un entrebâillement au fond qui consisterait à penser l'humanité précisément là où la comparaison avec l'autre de l'humanité serait en quelque sorte purement horizontale ou sans hiérarchie. Ou bien, mais vous savez, je suis en train de penser que Kant n'est pas non plus le seul qui essaye de penser l'humanité dans cette espèce de dépouillement total. D'une certaine manière, c'est ce que fait un philosophe, je ne sais pas si vous en avez parlé dans les émissions précédentes, un philosophe comme Emmanuel Levinas, beaucoup plus tard, lorsque au moment où Yuri Gagarin est envoyé dans l'espace, en 1961, Levinas écrit un texte qui est quand même très très frappant, qui s'intitule « Heidegger, Gagarin et nous ». Et il imagine un instant que l'espace pourrait être habité, alors du coup, pas par des extraterrestres, mais par l'homme. Et au fond, il dit que pour penser l'homme dans ce qu'il a de plus proprement humain, il faut l'imaginer complètement déraciné, envoyé dans le cosmos, arraché à la Terre, contrairement à ce qu'il attribue, disons, à Heidegger, à savoir cette espèce d'attachement à la Terre. Donc c'est uniquement dans cette existence cosmique, j'ai presque envie de dire purement cosmopolitique, mais pour un instant, c'était quoi, quelques heures, Gagarin, c'est là qu'on peut penser vraiment l'homme, en quelque sorte, dans cette espèce de solitude, de solitude pure, oui, voilà. La conquête de l'espace par l'homme a-t-elle augmenté ou diminué sa dimension? La question soulevée s'adresse aux profanes et non aux savants. Elle est inspirée par l'intérêt que l'humaniste porte à l'homme, bien distinct de celui porté par le physicien à la réalité du monde physique. La question tient pour établi que l'homme est l'être le plus élevé que nous sachions. Postulat hérité des Romains, dont l'humanitas était à ce point étrangère à la disposition d'esprit des Grecs que ceux-ci n'avaient même pas le mot pour l'exprimer. Cette vision de l'homme est encore plus étrangère aux savants pour qui l'homme n'est rien de plus qu'un spécimen de la vie organique, et pour qui l'aire d'habitation de l'homme, la terre et les lois terrestres, ne sont rien de plus qu'un spécimen limite des lois universelles absolues, c'est-à-dire des lois qui régissent l'immensité de l'univers. Assurément, le savant ne peut se permettre de poser la question « Quelles conséquences le résultat de mes investigations aura-t-il sur la dimension ou, dans cette perspective, sur l'avenir de l'homme ?» Ce fut la gloire de la science moderne que d'avoir été capable de s'affranchir de toutes ces préoccupations anthropocentriques, c'est-à-dire authentiquement humanistes. la question somme le profane et l'humaniste de juger ce que le savant est en train de faire, parce que cela concerne tous les hommes, et à ce débat doivent certainement venir se joindre les savants dans la mesure où ils sont citoyens du même monde. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie du philosophe Peter Sandy, qui est avec nous depuis les États-Unis, l'auteur de Kant chez les extraterrestres, philosophie-fiction cosmopolitique aux éditions de Minuit. Et je viens de lire un texte, alors non pas de Lévinas que vous avez cité, Peter Sandy, mais d'Anna Arendt, qu'on trouve dans La crise de la culture, hein, 1961. Le texte s'appelle La conquête de l'espace et la dimension de l'homme. Et on retrouve, formulé à nouveau frais, cette même idée, selon laquelle, finalement, elle parle de conquête de l'espace, elle explorait l'espace, que ce soit par le postulat de l'existence d'une vie extraterrestre ou par le fait de poser le pied sur la Lune, correspond à ce même besoin finalement d'essayer de définir l'homme lui-même. Elle-même n'a pas du tout envie de renoncer au mot de humaniste, ni même à l'existence de citoyens du même monde, puisqu'elle dit les savants doivent à tout prix s'emparer de ce débat pour eux-mêmes s'inscrire dans cette citoyenneté cosmopolitique qu'on trouve sur Terre. Est-ce que ce que dit Anna Arendt s'inscrit dans ce que vous veniez de développer, Peter Sandy? Il me semble qu'il y a une grande cohérence. Oui, alors elle, c'est vrai qu'on retrouve chez Anna Arendt dans ce texte ce geste qui consiste finalement à chercher une essence de l'homme dans l'espace extraterrien. Et en même temps, c'est un geste différent de celui de Lévinas que mm-hmm. j'évoquais avant que vous lisiez Hannah Arendt, parce que Lévinas cherche au fond un homme, comme il dit dans ce texte sur Heidegger, Gagarine et nous, il cherche un homme, dit-il, qui existerait en dehors de tout horizon, un homme qui serait résolument, dit-il, arraché au lieu, à ce qu'il appelle le lieu avec un L majuscule. Et alors que chez Hannah Arendt, il s'agit au fond plutôt de chercher quelque chose comme une essence humaine de la technique. Ce qui me frappe dans l'extrait que vous avez lu, c'est que lorsqu'elle évoque l'homme qui ne serait plus qu'un spécimen de la vie organique, ouais. C'est comme ça qu'on verrait l'homme en quelque sorte depuis ce point de vue extraterrien où la technique nous porte. Enfin, d'ailleurs, je pense à cette mission récente sur Mars. Elle a commencé en février dernier pour aller y chercher des traces de vie. Et ce qui est frappant, c'est que aujourd'hui, quand on cherche des traces de vie en dehors de la Terre, enfin sur la planète Mars par exemple, ce sont des traces de vie microbienne dont on parle. Ce sont des traces, comment dire, qui ont... Personne n'irait chercher sérieusement des traces de rationalité, voilà. Et donc c'est ça, c'est cette mission scientifique, cette projection scientifique dans l'espace extraterrien dont parle Hannah Arendt. Alors que chez Lévinas et chez Kant, enfin malgré toutes les immenses différences qui les séparent, oui. Au fond, c'est une essence de l'homme qu'on cherche, mais qui est pas une essence en quelque sorte, enfin qui est pas l'homme réduit à une vie organique ou biologique. Oui, bah c'est l'essence de l'homme qu'on cherche, mais celle-ci ne peut pas être ressaisie sans une référence à l'universel. Au fond, c'est ça que nous disons ce matin à travers les textes, que ce soit de Carl Schmitt, de Kant, et vous évoquiez Lévinas, et même celui d'Anna Arendt. C'est comme si on ne pouvait pas ressaisir l'essence de l'homme sans s'accrocher à cette notion d'universel. Alors, vous le disiez vous-même, Peter Sandy, le nous, quand on dit nous, l'humanité, nous sommes, on ne sait pas de qui on parle. Il y a forcément un positionnement hégémonique. Donc, est-ce que l'illusion n'est pas de ce côté-là, au fond? C'est du côté de l'universel, de cette essence de l'homme. Oui, c'est un drôle d'universel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et c'est tout le problème, et c'est un problème immense, et c'est même très, très, très, très délicat, problématique. À chaque fois qu'on dit nous, à chaque fois qu'on dit l'homme en général, ça entraîne des problèmes infinis. J'aurais, disons, les plus grandes réticences à m'associer à ce genre de discours général sur qu'est-ce que c'est l'homme, cette universalité qui masque des hégémonies en général bien particulières et bien connues. Mais peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette quête, disons, d'une essence universelle ou cette universalité, elle a quand même ceci de singulier. Lorsqu'elle convoque ainsi le comparant extraterrestre, c'est qu'il s'agit d'une comparaison. Voilà. Donc ce qu'on cherche, c'est un concept universel. Ce qui est cherché, c'est un concept universel de l'humanité, mais c'est un concept qui ne peut être obtenu que par comparaison. Voilà. Donc une universalité par comparaison, c'est déjà remarquable, singulier. Enfin, c'est... Non, il y a de quoi s'étonner quand même. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre l'importance que vous accordez dans votre travail, Peter Zandi, à la fiction? Justement, la comparaison, c'est aussi une manière de dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de réfléchir sur les choses, il n'y a pas qu'une approche, disons, conceptuelle, philosophique ou théorique, il y a aussi le recours à la fiction, à l'imagination. On a diffusé plusieurs extraits ce matin de films que vous citez dans votre livre, Kant chez les extraterrestres, et puis on va entendre la voix d'un philosophe qui, je crois, a beaucoup compté pour vous et qui explique l'importance de la fiction en philosophie. Vous nous direz ensuite si ça a un lien avec ce que vous appelez la philosophiction. Ce qui est hégémonique dans la philosophie, c'est constitué par la méconnaissance, dénégation, marginalisation des questions que certaines œuvres littéraires permettent de formuler. Des questions qui sont le corps même de ces œuvres littéraires. Donc j'ai sans doute essayé d'aiguiser la responsabilité philosophique devant des possibilités qui ne sont pas simplement littéraires, qui sont, je dirais, aussi partie du discours philosophique, du discours juridique, du discours politique, du discours éthique, à savoir la possibilité de simulacre, la possibilité de fiction qui ne sont pas simplement pensables sous la catégorie de l'imitation ou de l'imaginaire. C'était la voix de Jacques Derrida le 15 décembre 1998 sur France Culture. Peter Zandi, en effet, la question même des extraterrestres pousse, conduit la philosophie jusqu'à ses limites, jusqu'à ses retranchements, pour savoir jusqu'où est-ce qu'elle peut intégrer en son sein des choses qui ne relèvent pas, soi-disant, de son propre domaine. Est-ce que ce que dit Derrida dans cette archive-là est fidèle à votre démarche dans ce livre ? Mais ma démarche est profondément marquée par la sienne. Enfin, j'ai beaucoup appris, effectivement, Derrida a ouvert à moi comme à d'autres, hein, beaucoup de voies, d'hypothèses. La question de la fiction dans la philosophie, ou ce que j'appelle des philosophictions, qui est une question si importante, si cruciale, dès lors qu'on parle de l'hypothèse extraterrestre, puisque, comme le dit Kant lui-même, hein, dans ce passage de l'Anthropologie que vous avez cité, qui a été lu à l'antenne, c'est-à-dire cette comparaison sans comparant, ou enfin cette comparaison que l'expérience ne permet pas de faire, donc qui reste nécessairement une fiction. C'est effectivement montre bien la place centrale de cette fictionnalité dès lors qu'on essaye de penser l'extraterrestre, c'est-à-dire comme on l'a vu tout au long de notre conversation, et bien dès lors qu'on essaye de penser ces concepts limites que sont l'humanité en tant que telle et que sont la paix cosmopolitique. Et donc moi, tout simplement, je m'inspire beaucoup de ce que dit Derrida, effectivement, sur la place centrale de la fiction en général dans la philosophie. Il en prend beaucoup d'exemples dans son œuvre, la place centrale du rêve chez Descartes, mais aussi chez Husserl, l'idée de la disparition ou de la mise entre parenthèses, enfin l'anéantissement du monde, qui est quand même un geste fondamental dans la phénoménologie husserlienne. Et donc tout simplement, à cette liste, je dirais, de fictionnalité philosophique ou de philosophiction, j'en ajoute une, qui est la philosophie extraterrestre qui, elle aussi, enfin, le geste philosophique prenant en compte la possibilité extraterrestre, qui lui aussi est un geste qui repose fondamentalement sur un comme si, pour utiliser deux mots qui sont si importants chez Kant. Mais faut-il à tout prix distinguer la philosophie d'un côté de la fiction de l'autre ? Ah non, moi je le crois pas du tout. Et en ce sens, je suis profondément d'accord. Je m'inscris profondément dans ce que Derrida a ouvert. Il le dit bien. Il le dit très très clairement à plusieurs reprises dans son travail, notamment dans un entretien qui est un bel entretien avec Mireille Kahl-Gruber dans la revue Littérature en 2006. Et il dit très très clairement que tout discours philosophique, je cite plus ou moins de mémoire, tout discours philosophique suppose une certaine fictionnalité, recourt régulièrement à de la fiction. Et bon, voilà, encore une fois, comme je disais, c'est le cas chez Descartes, c'est le cas chez Husserl, c'est le cas chez Kant quand il tente de penser à la fin de l'anthropologie, qu'est-ce que c'est que l'espèce humaine. Ben, il faudrait pouvoir la comparer à, mais on peut pas. Alors comment en est-on venu à une conception si rationaliste de la philosophie, en tout cas en Occident et dans ce qu'on appelle la philosophie occidentale? La philosophie serait le synonyme de l'exercice cartésien de la raison, là aussi le mot est employé à tort, mais on en fait une discipline extrêmement rationnelle qui serait hermétique à toute forme d'exercice de fiction, voire même d'esthétique, alors que c'est un contresens total. L'histoire de la philosophie montre que c'est exactement l'inverse qui se passe. Mais là, vous savez, faudrait peut-être entreprendre, ce serait l'objet d'une belle discussion, peut-être une autre série d'émissions. Mais c'est en lien avec les extraterrestres, justement, parce que ça paraît si bizarre, même le titre de votre livre, Kant chez les extraterrestres, on se dit, mais non, ça n'a rien à voir, on oppose complètement les deux domaines, alors qu'en fait, vous venez de prouver pendant cette émission que c'est pas vrai. Oui, mais je pense qu'il faudrait déconstruire, hein, pour employer un terme cher à Derrida, il faudrait déconstruire cette opposition entre rationalité et fiction. Au fond, la raison, la rationalité se fonde sur de la fictionnalité. Et encore une fois, Descartes en est un exemple vraiment patent et frappant. Il faut le geste, comment dire, de la folie, enfin du doute hyperbolique, qui est une fiction par excellence. C'est même une fiction, c'est une sorte d'archifiction, comme si tout devenait fictionnel. Bien, il faut ce geste pour pouvoir justement poser la raison. Et la raison ne peut s'enlever en quelque sorte, ou peut-être il vaudrait mieux dire même s'élever, s'ériger en quelque sorte. On pourrait dire que l'érection, si vous me permettez le mot, de la raison, même sa verticalité, son architecture, eh bien elle s'enlève précisément sur ce fond fictionnel, et donc elle s'y fonde d'une certaine manière. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de si inquiétant. Et de si, comment dire, de si menaçant pour la raison, oui. Mais c'est aussi sa ressource au fond. Comme si finalement la philosophie, enfin l'idée plutôt que la philosophie se fait d'elle-même, si on peut parler d'elle comme d'une personne, était celle qui justement pouvait se protéger de tout ce qu'elle considérait comme étant des failles, des faiblesses, alors que l'histoire de la philosophie montre qu'aussi c'est une histoire du vacillement perpétuel. Comment faire en sorte de conjurer, d'intégrer dans son sens ce qu'on peut appeler des limites, ce qui semble la menacer, alors que c'est aussi ce qui en fait le sel même, voire même le sens, et la question des extraterrestres joue exactement ce rôle-là. Oui, tout à fait. Et je dirais que la philosophie croit devoir se protéger de la fiction, d'autant plus qu'elle en est si menacée et si intimement menacée. Ça serait en quelque sorte l'unheimlich, enfin l'étrangement inquiétant de la philosophie, ou plus exactement l'étrangement familier. L'inquiétante étrangeté, du familier. Et puis il faudrait aussi probablement, alors, mais bon, ça nous entraînerait loin, de distinguer entre fiction et littérature, mm-hmm. Parce qu'il y a des formes de fiction qui sont extrêmement spéculatives, qui sont même, je dirais, métaphysiques. On peut penser à Borges, par exemple. Quand on dit que la fiction, la fictionnalité est au cœur de la rationalité philosophique, ça ne veut pas dire tout simplement, comme on serait on pourrait se précipiter à le penser que la philosophie, c'est juste une forme de littérature. Non, il y a une forme de fictionnalité, de variation fictionnelle, de développement fictionnel des hypothèses, qui est vraiment le cœur même de la philosophie et qui est bien loin de la réduire à une forme littéraire. D'où l'importance, on terminera là-dessus, du point de vue. On a commencé l'émission d'ailleurs avec un extrait de La guerre des mondes de Spielberg qui laissait entendre que notre monde est observé par une intelligence supérieure depuis le début de l'humanité. Et je vous disais, mais finalement, c'est ce point de vue qu'on adopte sur nous-mêmes pour réfléchir à ce que nous sommes qui est la porte d'entrée vers peut-être le début d'une réflexion philosophique. C'est une démarche, une méthode, celle du point de vue que vous développez dans votre travail, Peter Sandy. C'est peut-être ça, de cette manière-là, qu'on arrive à être au plus près de ce qu'est l'essence même du geste philosophique. Oui, ben la question du point de vue, elle est cruciale, effectivement. Et elle est cruciale aussi chez Kant, hein, pour revenir à lui, qui était quand même le grand penseur de la question extraterrestre. Je veux dire par là, non pas le penseur scientifique, non pas le penseur, mais enfin le penseur proprement philosophique. Celui qui a donné dans son travail philosophique une place à la question extraterrestre. Et c'est pas un hasard si, ben, on le voit dans les titres même, anthropologie du point de vue pragmatique, mais au-delà des titres, la question du point de vue et de la variation du point de vue est partout chez Kant. Merci beaucoup, merci infiniment Peter Sandy pour cette discussion très matinale pour vous. Il doit être près de 5h du matin, je vous laisse vous rendormir ou prendre votre petit déjeuner, c'est vous merci qui déciderez. Donc je rappelle que vous étiez avec nous depuis Providence aux États-Unis, que vous êtes professeur en littérature comparée et en humanité à l'université de Brown et que vous avez fait paraître en 2011 aux éditions de Minuit Kant chez les extraterrestres, philosophie-fiction cosmopolitique, dont je recommande chaudement la lecture. On se quitte avec Radiohead. Tyranny and Homesick Alien de Radiohead sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Alors vous, ce matin, comme beaucoup de Français, vous avez retrouvé les joies du café en terrasse et ça vous a inspiré une question métaphysique. Qu'est-ce que c'est la liberté? Eh bien, nous sommes le 25 août 1944, pardon, le 19 mai 2021, et je suis installé en terrasse. J'ai à l'épaule gauche la légère douleur du vaccin qu'on m'a inoculé hier dans un gymnase parisien. Un délice d'organisation. Si j'adoptais un chien, je l'appellerais McKinsey. À peine cette décision prise, je reçois sur ma montre une notification m'annonçant que si je désire voyager, mon attestation est prête et qu'elle m'attend en ligne. Mais je n'ai plus aucun désir de quitter Paris, plus jamais. Les serveurs sont gentils, le café excellent, la musique entraînante. Les trois places de stationnement devant moi ont été transformées en paillotes. C'est Paris-plage partout. L'été s'annonce merveilleux. Waouh, donc aucun orage à l'horizon. Bah, une inquiétude peut-être, rien qu'une inquiétude. Le Covid est vaincu, allez, soyons optimistes. Ce n'est pas le débarquement encore, mais ni Van Paulus, ni ses variants ne prendront Stalingrad. Le Covid est vaincu, mais les nazis, justement, pas du tout. La Covida va se fracasser bientôt, sur quoi on ne sait pas encore, mais on le pressent un peu. Bravant le couvre-feu, j'étais hier soir à la Concorde déserte, devant l'Assemblée nationale, et on annonce pour tout à l'heure une grande manifestation de policiers là-bas, et j'ai envie de tout aujourd'hui, dans ce mois de mai qui fut aussi terriblement pluvieux que rempli d'arc-en-ciel, envie de tout, sauf d'une manifestation de policiers, cet orage gris-bleu d'un tableau de Poussin, je m'en passerai plus tôt. Le ciel est presque bleu ce matin, et je déteste la police, c'est un signe de santé mentale évident, je crois, comme c'est un signe de vitalité démocratique de pouvoir encore le dire. Je déteste la police, non pas en elle-même, mais contre moi, car il faut détester toujours chacune de ses passions mauvaises, et spécialement celle qui consiste à excuser la violence quand elle aurait été légalisée. Je me souviens d'ailleurs, c'était l'une des dernières fois que j'avais été ivre un soir dans Paris, avant que cela ne devienne illégal, qu'en sortant d'un dîner, j'avais appris sur Twitter que le Bataclan était pris en otage par une manifestation illégale de policiers mécontents, et spontanément, j'avais voulu aller là-bas pour leur dire d'arrêter tout ce cirque. Ici, c'est le pays de la liberté. Rentrez dans vos casernes. La rue nous appartient. Protégez-nous du terrorisme, mais n'essayez plus jamais de nous terroriser comme ça. Finalement, je n'y étais pas allé. Je n'irai pas à la Concorde tout à l'heure pour faire une contre-manifestation. Mais je me souviendrai longtemps comment ce joli jour de mai fut gâché par les forces de l'ordre et par l'appel subliminal au fascisme qu'on entend articuler de plus en plus distinctement dans l'air du temps, qui cristallise, et pourquoi pas l'armée, et pourquoi pas l'armée. Ce n'est pas encore la fin du masque et déjà l'arrivée du baillon. Nous sommes le 19 mai 2021 et je ne suis pas certain que dans un an, j'en suis sincèrement effrayé, on puisse encore dire que les manifestations de policiers devant l'Assemblée nationale, c'est non, comme l'armée à Argenteuil. Vous voulez dire que la liberté en France serait vraiment menacée ? Bah, rien d'autre sans doute qu'une petite douleur à l'épaule, ce n'est pas le 6 février 34 encore, mais il commence à y avoir un peu trop de gens qui voudraient que cela le soit vraiment, ou pour qui cela ne poserait pas de problème. Un virus s'est infiltré très loin derrière nos défenses immunitaires, les derniers tabous sont tombés dans le striptease en calligramme des bandeaux de CNews, et rien n'a l'air de pouvoir... nous protéger efficacement de ce qu'on appelait encore hier héroïquement et naïvement la peste brune, la bête immonde, l'hydre sans cesse renaissante du fascisme. Et soudain, l'état de droit ne paraît pourtant plus acquis. Les ennemis intérieurs surabondent et ce premier café en terrasse de l'année 2021 est bien plus amer que dans notre souvenir. Merci Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle, en compagnie de Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé pour vous cette série d'émissions, enfin qui les réalise pour vous, je ne parle pas au passé, cette série d'émissions autour des extraterrestres. À la prise de son aujourd'hui, on était ravis de le retrouver, c'était Nasser Moussaoui, à la lecture des textes Hélène Losseur. On se retrouve demain pour la suite de cette série « Sommes-nous seuls dans l'univers ?». La réponse demain sera celle de l'astrophysicien Hubert Reeves qui, pour l'occasion, nous ouvre les portes de son domicile et on y installera nos micros et on réfléchira avec lui sur le sens de cette question, sur le sens du métier d'astrophysicien et les leçons que l'univers semble nous dispenser quand on veut bien, quand on sait bien l'écouter. Ça, ce sera demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi télécharger l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct et en téléchargement. Les plateformes de réécoute sont nombreuses, Spotify, iTunes, avec beaucoup de moyens de réécouter l'émission en podcast. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h et dans le silence. Restez à l'écoute sur France Culture.